Chapitre 8e. Entrez, mon cher maître, asseyez-vous, je vous en prie, dit Trinquet en se levant. L'homme qui entre est grand, sec, les cheveux rejetés en arrière, rasés de frais, la cinquantaine. Il porte un costume en lin écru, chose assez rare dans ces campagnes où hiver comme été, les hommes s'habillent en noir. Tout dénote en lui le notable opulent et l'homme de goût. Il doit faire partie d'une des vieilles familles qui ont leurs heures de gloire quand l'ambesque damait le pion à Aix-en-Provence. Il s'assoit négligemment en croisant les jambes, faisant admirer des souliers de prix en cuir souple. J'ai entendu votre appel à témoin et je crois que j'ai quelque chose d'assez important à vous révéler. Je n'en doute pas, maître, répond Trinquet de façon obséquieuse. Le fait que le notaire se soit déplacé indique en effet l'importance qu'il accorde à sa déposition. Voilà. J'avais ce matin une affaire importante à traiter. Hier, je ne savais pas comment la résoudre et j'ai réfléchi une grande partie de la journée. Or, quand je réfléchis, j'ai par habitude de marcher de long en large et de regarder par la fenêtre. La vue de la campagne m'apaise, vous comprenez, et... Au fait, maître, au fait, je vous en prie, s'impatiente Trinquet. Eh bien voilà, un peu avant midi, j'aperçus une gamine qui est entrée en courant dans le bois. Elle riait à gorge déployée. Un homme la poursuivait, mais il courait beaucoup moins vite qu'elle. Vous avez pu le reconnaître, cet homme ? Je n'en jurerai pas, mais je suis presque certain que c'était un des fils à Niel. Hein, voilà qui est intéressant. Lequel des deux fils? Le cadet, je pense. L'aîné, lui, est grand et mince. Je les ai eus tous les deux à mon étude il y a un mois. Et après? Eh bien, le cadet ressortit du bois en direction du village, mais je n'ai pas vu sortir la gamine. Sur le moment, je n'ai pas prêté attention. Au bout de combien de temps est-il ressorti? Oh, 5 minutes après, pas plus. Mon cher maître, je vous remercie de cette déposition vraiment importante. Trinquet se lève. Attendez, gendarme, je n'ai pas terminé. Trinquet se rassoit, intrigué. Alors que j'étais de nouveau à réfléchir devant ma fenêtre, j'aperçus l'autre frère entrer dans le bosquet. Ce devait être 1 heure plus tard environ. Il courait, lui aussi? Non, non, il marchait normalement. Il est resté 10 minutes, il est sorti du bosquet, mais par le côté qui monte vers la colline. Il marchait normalement, vous dites? Oui, mais il baissait la tête. Vous avez remarqué la mine qu'il faisait? De loin, je n'ai pu voir quelle figure il avait. C'est tout, maître? Oui, cette fois, j'ai fini. Trinquet raccompagne le notaire avec force civilité, puis l'appelle Boissier. Alors, tu as entendu? Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense, chef, qu'il va falloir reconsidérer les choses. Pour l'instant, je garde Brossard. Il faut aller chercher les frères Aniel. Je téléphonerai après au juge pour lui expliquer l'importance du témoignage du notaire. Marcel et Maxime Aniel arrivent sur les 5 heures, encadrés par 2 gendarmes. Les deux frères ont l'air graves et préoccupés. Maxime a le visage fermé, tendu et pâle. Marcel, la tête rentrée dans les épaules, roule des yeux en tous sens comme un animal aux abois. Tout ceci, bien sûr, n'échappe pas à l'œil exercé des gendarmes. « Ils tirent une drôle de gueule, tous les deux, » fait discrètement remarquer Boissier. « Pécaire, je n'aimerais pas être à leur place, » murmure Trinquet. « Allez, commençons par le petit. » Boissier fait entrer Marcel. Trinquet s'assoit à son bureau et fait signe à Marcel de prendre une chaise. Celui-ci s'assoit du bout des fesses comme si la chaise était brûlante. À l'heure du crime, car il s'agit certainement d'un crime, un témoin vous a vu pénétrer dans le petit bosquet derrière le moulin dans la colline en même temps que la victime. Qu'avez-vous à me dire à ce sujet? Marcel baisse les yeux et se passe la main sur le visage. Oui, c'est vrai. J'ai poursuivi la gamine dans le bois. Je sais même pas comment elle s'appelle, cette minotte. J'attendais tranquillement mon car pour Aix quand elle s'est plantée devant moi et elle a commencé à m'insulter. Quelle heure était-il? Un peu plus de 11h30. Le car passe à moins le quart. Et alors? Eh bien, elle m'a traité de tous les noms d'oiseaux. C'est-à-dire? Elle m'a traité de feignasse, de bon à rien, de plein de soupe et je sais pas quoi encore. Et puis elle m'a pété à la figure avec la bouche et l'a décampé en rigolant, en se foutant de ma gueule. Et alors? Eh bien, je l'ai couru derrière, t'es. Elle rigolait tout ce qu'elle savait. Je crois que j'aurais pas pu la rattraper, mais arrivée dans le bosquet, elle a glissé sur les aiguilles de pin et elle s'est étalée. Je l'ai vue de loin. Je me suis dit, je te tiens, ma garce. Et alors? Demande encore une fois Trinquet, sentant qu'il arrive près de la vérité. Quand je suis arrivé sur elle, elle ne bougeait plus. Elle était couchée sur le dos et elle souriait. On aurait dit qu'elle m'attendait. J'ai commencé à lui parler. Je l'ai traité de garce, mais elle n'a pas répondu. Je l'ai bien regardée et j'ai compris qu'elle s'était assommée en tombant. « Qu'est-ce que vous avez fait alors ?» demande Trinquet. « Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ?»« La question n'est pas là. Moi, j'aurais été chercher du secours, répond Trinquet tout simplement. Oui, c'est ça, pour qu'on m'accuse de l'avoir frappé ou pire. Je me suis dit qu'elle allait revenir à elle, et je suis retourné attendre mon quart. Malheureusement, il était déjà passé. Je ne sais pas si vous mesurez bien la portée de ce que vous venez de me dire, Aniel. Vous êtes déjà justiciable de ne pas avoir porté secours à un blessé. Je sais, je m'en suis voulu, mais une fois que c'était fait, si j'avais su qu'elle allait mourir. Trinquet fait signe à Boissier de reconduire le témoin. Celui-là, tu me le gardes au frais, dit-il en désignant Marcel. Je vais interroger l'autre frère. Attendant son audition, Maxime a appris, en écoutant les conversations des gendarmes, la mort de Marceline Kuntz. Cette nouvelle l'a plongé encore plus profondément dans le désespoir. Après leur entrevue, il était retourné 3 ou 4 fois chez Marceline. Chacun d'eux avait senti que quelque chose de fort les attirait l'un vers l'autre. La vie de Maxime avait encore pris un sens nouveau, plein de projets, et bien évidemment, il s'en était ouvert à Camille qui avait trouvé cette nouvelle formidable. « J'en étais sûr », avait-elle dit en battant des mains. À l'annonce de la disparition de Marceline, une à une, les lumières se sont éteintes dans le cœur de Maxime. En entendant la déposition de son frère à travers la porte, Maxime a nourri un doute affreux qu'il enfouit profondément en lui. Ce jeudi-là, il était tout heureux de retrouver Camille comme à l'accoutumée. Il avait plein de choses à lui raconter. Il voulait lui parler encore de Marceline. Quand il a pénétré dans le bois pour rejoindre Camille un peu avant 14 heures, il l'aperçut étendue au sol. Sa chemisette était largement déboutonnée, laissant voir sa petite poitrine, ses bras écartés, ses jambes légèrement entr'ouvertes et sa jupe relevée. Camille ne respirait plus. Un filet de sang s'échappait de son oreille. Maxime l'a vite compris, le dramatique de la situation. Fou de douleur, il a rhabillé Camille et l'a placée dans une position conforme au respect et à l'affection qu'il avait pour elle. Il n'a pas voulu que les autres la voient ainsi, qu'on puisse supposer que... Il a posé à côté d'elle son petit cartable qu'elle avait dû apporter pour lui montrer son travail. Il a ensuite sorti du bois plié en deux par le chagrin et arrivé près de leur cher Olivier, il s'est effondré, la tête dans les mains. Maxime comprend maintenant que si Camille est tombée, comme le prétend son frère, son désordre vestimentaire ne résulte pas de sa chute. Qu'a fait Marcel avec Camille? Le salaud! Sonnerie du téléphone. Maxime est toujours dans le couloir. Allô, la gendarmerie? Demande la voix nasillarde de la standardiste. Ne quittez pas, je vous passe votre correspondant. Allô, c'est Moretti. Où en êtes-vous, Trinquet? Il y a du nouveau, monsieur le juge. Des dépositions très intéressantes qui ont tendance à innocenter Brossard, et un témoignage du notaire qui nous a mis sur la piste de 2 suspects, les frères Aniel, 2 paysans du village. J'ai le rapport du légiste, Trinquet. La mort est bien accidentelle et due au choc sur le crâne. En revanche, la gamine a subi des attouchements. Des attouchements? Elle a été violée? Non, seulement des attouchements, précise Moretti. Ah bon, que des attouchements? Oui, mais quand même, pauvre gosse. Ce n'est pas tout, Trinquet. Le légiste a relevé une foulure de la cheville droite et des traces de coups bien antérieurs à la mort sur les bras, les jambes, le dos. Vous pensez que quelqu'un la battait? C'est plus que sûr, Trinquet. Continuez, on tient le bon bout. L'affaire est plus complexe qu'elle n'en a l'air. Trinquet raccroche. Maxime a entendu tout ce qu'a dit le chef et ça conforte ses soupçons. Il prend soudain une brusque résolution qui va servir d'issue à cette intolérable situation où le chagrin l'a plongé. Il le sait. Boissier lui touche doucement l'épaule. Entre, Aniel. Maxime s'assoit en face de Trinquet. Il est pâle et prend son attitude favorite, les mains jointes, les index sur les lèvres. Un témoin t'a vu pénétrer dans le bois et en ressortir hier vers 14 heures. Qu'as-tu à dire? Maxime prend une longue inspiration et regarde le plafond pour détendre les muscles de son cou. Oui, je suis passé par le bosquet pour monter dans la colline, du côté du moulin. J'ai vu Camille, elle était allongée sur le dos. J'ai tout de suite compris qu'il n'y avait plus rien à faire. Et bien sûr, comme il n'y avait plus rien à faire, tu n'as rien fait, même pas prévenir au village. J'avais trop de peine. J'avais envie de vomir. Je n'ai pas pu rester tellement je souffrais. Maxime prend une longue aspiration. Je me suis traîné jusqu'à l'Olivier. Nous avions rendez-vous tous les jeudis avec Camille et j'ai pleuré pendant plusieurs heures. Vers le soir, je suis rentré chez moi. 2 larmes coulent lentement sur les joues de Maxime. Je ne sais pas si tu n'es pas en train de me faire du cinéma, s'interroge Trinquet. Maxime ne répond pas et s'essuie le visage avec la paume des mains. « Bon, admettons, continue Trinquet, dans quelle position était le corps? Elle était tendue sur le dos, les mains sur la poitrine. On aurait dit qu'elle avait prié avant de mourir. C'était affreux. » Je me demande si tes larmes ne sont pas plutôt des remords. Tu dis que tu rencontrais la gosse toutes les semaines. Qu'est-ce que vous faisiez ensemble, hein? On parlait, on se racontait nos malheurs et nos joies. Moi, je n'ai personne dans l'existence, même pas un chien. Elle, c'était une enfant travailleuse et courageuse. Ses parents la battaient et ne se doutaient pas du bonheur d'avoir un enfant comme elle. Ah, tu es sûr de ce que tu avances? Tu dis qu'il la battait? C'est une accusation qui peut être grave. Sa maîtresse le savait également. Malheureusement, elle aussi est morte. On a effectivement relevé des traces de coups sur le corps de la gosse, antérieures à la mort, mais aussi des traces d'attouchement. Tu es sûr que vous ne faisiez que parler ensemble? Insinue inquiet. Maxime pâlit encore, ses lèvres tremblent. Cette gosse, je ne l'aurais pas touchée, même pour tout l'or du monde. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites? Oh oui, je m'en rends compte. Mais moi, je dois trouver celui qui a fait ça. Pour l'instant, j'ai 3 suspects. L'un d'entre eux l'a fait, ou peut-être chacun des 3, qui sait? Poursuit inquiet. Tu connaissais Madame Kuntz, si j'ai bien compris? Oui, c'était la maîtresse de Camille, et c'est elle qui me l'avait présentée. Plus tard, je lui ai rendu visite au sujet de la petite pour savoir si elle s'était rendue compte que Camille était battue. Par la suite, continue Maxime, je suis retourné la voir 4 fois. On s'entendait bien tous les deux. Bien, bien ou bien seulement? Interroge inquiet, insidieux. Il n'y avait rien entre nous, enfin, pas encore. Dimanche, nous avions passé la journée à Aix et nous étions allés au cinéma. Mais maintenant? De sorte que tu as perdu 2 êtres chers dans la même journée? C'est ça, oui, dit Maxime en baissant la tête. Ça, c'est vraiment dommage, conclut inquiet d'un air mi-figue, mi-raisin. Maxime continue à réfléchir. Les pièges du chef ne l'intéressent pas. Dans sa tête, tout devient clair. Brossard a dû trouver Camille comme lui. Maxime l'avait installé. Alors, lorsque lui, Maxime, l'a trouvé, les vêtements désordonnés, Camille devait être comme Marcel a dû la laisser. Et donc, Marcel a... Le sang de Maxime ne fait qu'un tour.